fromages et desserts. Muni de mes bidons en aluminium, berrette des temps modernes, je monte à la laiterie tous les deux jours. Il faut grimper le raidillon. Le fils P a installé perpendiculairement au chemin des troncs immenses sur cette pente à 45 degrés. Chaque fois que je passe devant, je me demande ce que ça donnerait si une grosse bourrasque ou un vicieux coup de masse les faisait basculer. J'évite de monter par là avec les enfants. Je n'ai pas osé en parler à Henriette quand je lui achète mon lait, de peur qu'elle se moque de ma paranoïa. Elle est vraiment chouette, Henriette, disponible et généreuse. Elle me trimballe à droite et à gauche au plus futile prétexte. Aller chercher des patates vers l'église, des bricoles au Diableret ou à Aigle. Elle conduit vite et bien pour ses 68 ans, et elle prend très au sérieux son boulot à la laiterie. C'est elle qui me montre à quel point le lait est gras, collant, et qu'il faut tout briquer à fond si on veut éviter les problèmes. Depuis qu'il y a eu plusieurs cas de listériose et de salmonellose en Suisse, les contrôles sont devenus plus stricts. Nonobstant ces détails, Jean-Paul, qui ne jure que par son pain et son fromage, ainsi que Thomas, qui adore faire fondre son petit morceau de gruyère sur la flamme d'une bougie, comme le lui a appris son père, sont ses meilleurs clients. Surtout pendant la très courte saison où il y a du fromage de perche. Cet alpage, à 3 km de chez nous, produit un fromage extraordinaire. Nous ne devrions pas en manger autant, nous le savons bien. Grand-papa Paul n'a-t-il pas fait son premier infarctus à 32 ans? Mais en même temps, c'est moins cher que la viande. Et Mazette, qu'est-ce que c'est beau! Il y a 3 ou 4 éleveurs à la fourque là. Ils apportent les boys tous les soirs et versent le lait dans l'immense citerne réfrigérée que le camion vient vider 1 jour sur 2. Ils sont un peu frustes pour certains, ce qui ne les empêche pas d'avoir leur place au conseil communal. Il nous arrive parfois d'échanger quelques paroles. « Va bien vous rouler dessus, mais pas avec l'auto !» m'a lancé l'un d'eux avec un clin d'œil explicite, la fois où il a failli m'écraser juste devant la porte. Et j'ai bien senti que c'était un compliment sincère. Un jour, nous avons naïvement montré nos premières productions fromagères à Henriette. Un paysan qui passait par là les a entrevues. Il a avoué plus tard à notre ami. « Non mais je voudrais me faire manger ça à mes enfants, moi !» Nous avons acheté notre écrémeuse et nos faisselles dans le bazar de Bulle, en Gruyère. Dans une droguerie d'Aigle, nous avons trouvé de la présure et à la micro des langes en mousseline qui feront office d'étamine. Il y a toutes les recettes qu'on veut dans nos bouquins. Après avoir laissé reposer le lait toute la nuit, je le passe à l'écrémeuse au petit matin. J'ai mis mon grand tablier blanc et Jean-Paul rit en immortalisant ma pose avec son appareil photo. Il en fera une laitière de Vermeer, un de ces quatre. Il m'offrira même la perle quelques années plus tard. Pour l'instant, impassible, je mélange mon lait à la présure. Il faut 10 litres de lait pour faire 3 tonnes de 7 cm de diamètre. La crème sera transformée en glace, en caramel, ou complétera une soupe du chalet. Par manque de temps, nous n'essayons pas de cailler notre lait avec du caillelait, de la chardonnette ou du figuier commun, comme ça se faisait autrefois. Sans doute notre fromage aurait-il eu un parfum différent. Nous nous contentons de présures ferments sécrétés par les glandes gastriques de jeunes mammifères non sevrés, en principe des veaux, qui donnent un résultat fiable. Selon la quantité utilisée et la température, la coagulation est plus ou moins rapide. On adapte la quantité de présures, la température et le temps de coagulation à chaque type de fromage. En ce qui nous concerne, nous restons fidèles aux mêmes petites tomes pour notre consommation courante. Des petits fromages ronds et plats à pâte molle et intérieur coulant. Quand ils sont à point, nous les singularisons avec des feuilles de châtaignier ou d'ail des ours ou un enrobage de cendres de bois, à moins que nous ne les laissions simplement macérer dans un bocal d'huile d'olive. Une fois par semaine, je mets la yaourtière en route. Nous faisons des yaourts à la vanille, au café, au citron ou à la confiture le plus souvent. Mais j'en garde quelques-uns nature qu'on utilisera pour adoucir une potée au chou, par exemple. Pour les glaces, je fais infuser divers parfums dans du lait. Au fil de la saison, ce sera de la spérule odorante, de la fleur de sureau, de la reine des prés, de l'essence d'amande amère, du thé Earl Grey. En clair, tous les parfums qui nous titillent. Je me sers de ce lait pour faire une crème anglaise, ajoutant des jaunes d'œufs, du sucre et de la crème entière. Je laisse refroidir le tout au frigo et le lendemain, je le passe à la sorbetière. Pour le dessert préféré de mon beau-père, un colonel, sorbet citron arrosé de vodka, je travaille avec des blancs d'œufs montés au neige, du sucre et du jus de citron. Parfois, pour accompagner les glaces, j'arrive même à réussir des petites meringues. Succès, originalité et poignée d'amour garantie. Ormont-Dessous, la commune sur laquelle est située la Forcla, regorge de surprises. Tant que nous avons la voiture, nous aimons rouler jusqu'au lac des Chavonnes, beau comme une turquoise scintillant dans un écrin de sapin. Le chemin qui serpente entre le parking et le lac est bordé de centaines de buissons de myrtilles que les indigènes viennent cueillir au peigne, ce qui bien sûr est formellement interdit pour cause de défoliation. À mi-parcours entre la Forcla et les Chavonnes, on tombe, au détour du chemin, sur l'alpage de Perche, que j'ai déjà mentionné. Paysage idyllique où pèsent des vaches placides, bien heureuses de se nourrir de tous les parfums d'une prairie prolifique, située à l'abri de toute pollution. Ici se trouve le paradis sur terre. Au fond du vallon trône un vieux chalet, probablement celui de la célèbre chanson, au mur en tavillon, balcon sculpté et œil de bœuf en forme de cœur. À côté se trouve la fromagerie. Le fromage de Perche est un concentré des parfums de cette prairie. Un rêve pour les papilles. Hélas, un jour, la laiterie fermera faute de pouvoir investir dans un réajustement du matériel aux normes administratives du moment. À peu près à la même époque, de rond, le gruyère deviendra carré afin de satisfaire aux besoins du conditionnement. Cherchez l'erreur. En attendant, l'ouverture sur ce paysage extraordinaire au détour du chemin, tout comme ce goût du fromage de Perche, fleurir à peu à la fois sur l'arrière-langue, nourriront nos plus beaux souvenirs.